Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les belles dames font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les demoiselles font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tout en rond. Les beaux garçons font comme ça, et puis encore comme ça.